ce que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien compris et pratique. Et c'est ainsi qu'une maîtresse de maison à chaque visiteur doit assigner un rôle en rapport avec ses façons. Ma façon, c'est mes épaules. Quand je vois ici rassemblées de ces machines subtiles, tous ces ressorts menus à plaisir embrouillés, je songe au mécanisme qu'est la femme, mécanisme autrement compliqué, s'y reconnaître est difficile. Plaise aussi que je m'arrange le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Tout le talent que m'a donné le sort